بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن في سورة السجدة لا بروستاناسيون في المسألة الثانية وأربعين بعد المئة 142 مسألة في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم dans le sens où Allah dit que vous fera décéder l'ange de la mort celui à qui on a confié cette tâche c'est-à-dire de s'occuper de vous retirer les âmes. Verset 11. قال المؤلف رحمه الله تعالى أسند في هذه الآية الكريمة التوفي إلى ملك الموت إلى ملك واحد. Donc dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal a attribué le fait de faire décéder les gens, de prendre les âmes des gens, cela à un seul ange. Dans ce verset-là, Allah a cité que cela est l'action d'un seul ange, qui est Malak al-Maut, l'ange de la mort. وَاسْنَدَهُ فِي آيَةٍ أُخَرَ إِلَى جَمَعَةِ الْمَلَائِكَةِ كَقَوْلِهِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ. Et dans d'autres versets, il attribue le fait justement de faire mourir les gens à plusieurs anges. Lorsqu'il dit dans le sens, certes, ceux dont les anges prendront les âmes. Les anges. An-Nisa, verset 97. وَقَوْلِهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ. Et lorsque si jamais tu voyais les injustes dans les offres de la mort et que les anges tendent leurs mains, c'est-à-dire pour leur arracher leurs âmes. Al-An'am, les bestiaux, verset 93. وَأَسْنَدَهُ فِيَاتٍ أُخْرَى إِلَى نَفْسِهِ جَلَّا وَعَلَى وَيَقَوْلُهُ تَعَالَى اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسُ حِينَ مَوْتِهَا. Et dans un autre verset, Allah a attribué cet acte-là à lui-même, directement, qui faisait mourir les gens. Dans sa parole, dans le sens où il dit que Allah est celui qui prend les âmes lorsqu'elles meurent. Az-Zumar, verset 42. قال رحمه الله تعالى والجواب عن هذا ظاهر وهو أن إسناده المتوفي إلى نفسه لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Donc la réponse elle est apparente. Tout simplement que le fait déjà, en premier lieu, qu'il a attribué la mort, le fait de retirer les âmes à lui-même, Allah Azza wa Jal, c'est le fait que l'ange de la mort ne peut rien faire si ce n'est avec la permission d'Allah Azza wa Jal et par sa volonté. Donc cela revient à lui en premier lieu. Comme il dit dans le sens, et qu'il n'en vient pas à une âme de mourir sans la permission d'Allah en un moment déterminé. Al-Imran, verset 145. وَأَسْنَدَهُ لِلْمَلَكِ الْمَوْتِ لَنَّهُ وَالْمَأْمُرُ بِقَبْدِ الْأَرْوَحِ. Et ensuite, il attribue justement le fait de prendre les âmes au malak, à l'ange de la mort, car c'est lui à la base à qui a été confiée cette tâche. وَأَسْنَدَهُ لِلْمَلَائِكَةِ لِأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ لَهُ أَعْوَانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ تَحْتَ رِيَاسَتِهِ يَفْعَلُونَ بِأَمْرِهِ وَيَنْزِعُونَ الرُّوحَ إِلَى الْحُلْقُومِ فَيَأْخُذُهَا مَلَكُ الْمَوْتِ. Et il a attribué justement le fait que d'autres anges également prennent ces âmes, du fait que Malak al-Maut, l'ange de la mort, a justement avec lui des anges qui l'aident dans sa tâche, qui sont sous son ordre. D'accord ? Ils sont sous son ordre. Donc qu'est-ce qu'ils font eux ? En fait, eux, ils retirent les âmes, puis c'est l'ange de la mort qui les récupère par la suite. Donc de là, il n'y a pas de contradiction entre les versets. Aucune âme ne meurt si ce n'est par la permission d'Allah Azza wa Jal et par sa volonté. Donc c'est à lui que cela revient. Celui à qui Allah a confié la tâche précisément de faire cela, c'est Malak al-Maut. Et Malak al-Maut a avec lui des anges qui l'aident en cela, en cette tâche-là. Donc voilà le djem entre ces versets. Wallahu ta'ala alam, wa alhamdulillahi rabbil alamin.